الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فبإذن الله تبارك وتعالى نكمل شرح هذا الحديث العظيم، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. دونك إن شاء الله nous allons terminer l'explication de ce hadith prophétique. قال سابعا قوله ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. المعنى من أخره عمله عن دخول الجنة لم يسرع به نسبه إلى دخول الجنة، لأن المعتبر في ذلك الإيمان والتقوى، كما قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم معناه أن العمل هو الذي يبلغ بالعبد درجات الآخرة، كما قال تعالى ولكل درجات مما عملوا. فمن أبطأ به عمله أن يبلغ به المنازل العالية عند الله تعالى لم يسرع به نسبه فيبلغه تلك الدرجات. فإن الله رتب الجزاء على الأعمال لا على الأنساب، كما قال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، إلى أن قال، يعني هذا كلام الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله، إلى أن قال وفي هذا المعنى يقول بعضهم لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. Septièmement, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui a été retardé par son œuvre. Il n'a pas fait les œuvres qui auraient été la cause d'entrer au paradis, qui n'attendent pas de la part de sa lignée quoi que ce soit. Ce n'est pas sa lignée qui va l'empresser d'entrer, qui va être la cause d'entrer au paradis. Car ce qui est pris en considération, c'est la foi et la piété. Comme Allah Azza wa Jal nous le dit dans le sens du verset, et certes, les plus honorables auprès d'Allah sont les plus pieux. Les meilleurs d'entre vous auprès d'Allah sont les plus pieux. C'est par la piété que la personne peut devancer une autre, être meilleur auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et c'est bien pour dire que beaucoup de balances dans ce monde, elles sont faussées, erronées. Elles sont loin de la réalité. Allah tabaraka wa ta'ala, ce qui est pris en considération auprès de lui, c'est la piété, c'est la droiture de la personne, les bonnes œuvres qu'il a accomplies sincèrement pour lui et en conformité avec la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Et non pas d'autres critères que certains peuvent, dans ce bas monde, croire qu'elles auront un quelconque impact. L'origine, le pays, la région, le continent, la couleur de peau, la langue parlée, combien il mesure, combien il pèse, la beauté extérieure. Et toute autre forme de critères, l'argent. Les gens, ils ont des moyens de juger, d'accepter, de ne pas accepter. Tel genre de personnes, elles sont acceptées auprès d'eux, d'autres ne le sont pas. Mais cette façon de juger est-elle en conformité avec les préceptes d'Allah tabaraka wa ta'ala? Là, il est le souci. Combien de personnes, comme nous le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu le trouves d'une apparence qui n'est pas attirante, même poussiéreux, c'est-à-dire qu'il est pauvre, n'a pas de quoi vraiment bien se vêtir. Repoussé par les gens ne lui prêtent pas attention, ne l'écoutent pas quand il prend la parole, n'acceptent pas son intercession lorsqu'il vient intercéder pour quelqu'un, le rejettent s'il vient demander une fille en mariage. Parce que pour eux, il n'a pas les critères que eux attendent. Mais cette personne-là, s'il vient à jurer par Allah, Allah lui donne ce qu'il demande. C'est pour vous montrer que parfois, de ce qui peut apparaître des gens, faut faire attention, ce n'est pas ça qui est pris en considération. Ne sois pas surpris, étonné par des fois la beauté que peuvent avoir des hypocrites, des gens qui sont loin de l'islam, ou le nombre d'enfants qu'Allah leur a donné, ou la richesse qu'Allah leur a octroyée. S'ils ne reviennent pas à Allah, ce n'est qu'une épreuve qu'ils sont en train de vivre. L'épreuve, elle se vit dans la pauvreté et dans la richesse, dans le bien et dans le mal. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Donc on est éprouvé par l'un comme on est éprouvé par l'autre. Et parfois Allah tabaraka wa ta'ala donne à des gens dans ce bas monde, leur donne des biens de ce bas monde, c'est pour ne pas revenir. Subhanallah. Pour pas qu'ils reviennent, car au fond ils sont mauvais. Et parfois une autre personne, elle, il est touché par des maladies, un mal, une calamité, c'est pour qu'il se réveille, pour lui rappeler. Et ça l'empêche de continuer, de persister dans le mal. Subhanallah. Donc, d'être touché par la pauvreté, la maladie, n'est pas un signe qu'Allah ne t'aime pas. Et n'est-ce pas que plus Allah aime la personne et plus il l'éprouve? Les plus éprouvés, ce sont les meilleurs des hommes, les prophètes. Puis, du plus pieux au plus pieux. Lisez ce qu'ont vécu les prophètes. Subhanallah. Et c'est pour cela que, d'un point de vue général, ceux qui suivent les prophètes, ce sont les jeunes, les pauvres, les gens qui sont rejetés. Et les nobles, les riches, ceux qui croient qu'ils ont une grande place dans ce bas monde, souvent ce sont des gens qui refusent le message des prophètes. Et même parmi ces gens, il y en a qui ont dit à des prophètes, et ceci Allah nous le relate dans le Coran, si seulement les pauvres personnes et des personnes misérables ne te suivaient pas, on t'aurait écouté. Délaisse-les. Viens vers nous seulement toi, on va t'écouter. Subhanallah. Donc, c'est pour vous dire que Allah tabaraka wa ta'ala, auprès de lui, ce qui est pris en considération, c'est la piété. En quoi une personne, elle est meilleure que l'autre? Il est né blanc, l'autre il est né rouge, l'autre il est né jaune, l'autre il est né noir. Qui a décidé de naître de telle ou telle couleur? Personne. Donc pourquoi tu serais meilleur? Où est-ce que c'est marqué? Lui parle telle langue, lui parle telle langue, lui parle tel dialecte. Ça c'est un signe d'Allah dans sa création. Il y a des signes d'Allah dans la différence des couleurs et des langues. Subhanallah. Mais ce n'est pas ça le critère sur lequel il faut s'arrêter. Qui a dit que telle région ou telle région ou telle terre ou telle terre elle est meilleure? Toutes les terres elles appartiennent à Allah Azzawajal. Et les seules terres religieusement reconnues comme sacrées, c'est la Mecque et Médine. Mecca ou Médina. C'est les deux endroits sacrés. Et Beit al-Maqdis, c'est une terre bénie. Ard Mubaraka. Mais ce n'est pas un haram. Ce n'est pas une terre sacrée. Ce qui est sacré, c'est la Mecque et Médine. La Mecque, Ibrahim alayhi salam, a montré ses limites du territoire sacré. Et Médine, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a montré les limites du territoire sacré. Il n'y a que les musulmans qui peuvent entrer dedans. Ça, c'est la règle générale. Amma Baytul Maqdis, Jérusalem, autres que musulmans peuvent entrer dedans. Ce n'est pas une terre sacrée, mais c'est une terre bénie. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. On a rendu béni tout ce qui est les alentours de Beit al-Maqdis. Ça, c'est un territoire qui est béni. En dehors de ces trois endroits-là, et les mosquées, la première mosquée construite, c'est la Kaaba. Abu Dharr, radiallahu anhu, demande au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quel est le premier lieu de culte mis à disposition des gens sur terre. Il lui a dit, c'est la Kaaba, Masjid al-Haram, la mosquée sacrée de la Mecque. Il lui a dit, quel est le second? Le deuxième. Il lui a dit, c'est Al-Masjid al-Aqsa, la mosquée al-Aqsa à Jérusalem, du Beit al-Maqdis. Combien il s'est écoulé entre les deux? Il lui a dit 40 ans. 40 ans. Il n'y avait pas le Masjid al-Nabawi. Le Masjid al-Nabawi, c'est à l'époque du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et certains même savants qui expliquent un peu les termes. Al-Aqsa, en arabe, ça veut dire quoi? C'est le contraire de quoi? De Al-Adna. Al-Aqsa, Al-Adna. Al-Adna, le plus proche. C'est superlatif. Le plus proche. Et Al-Aqsa, le plus loin. Certains ont dit, pourquoi il s'appelle Al-Aqsa? C'est pour dire qu'entre lui et la Mecque, il devait y avoir quelque chose. C'est comme un signe comme quoi il y aura une mosquée entre les deux. Subhanallah. Comme quoi il y aura une mosquée entre les deux, c'est-à-dire Al-Masjid al-Nabawi. Al-Masjid al-Haram, une prière accomplie dedans, elle est multipliée par 100 000. Al-Masjid al-Nabawi, multiplié par 1000. Ou Al-Masjid al-Aqsa, il y a des hadiths qui parlent de 500, mais certains ulama ont dit qu'ils sont da'if, faibles. Et l'authentique, c'est 250. Multiplié par 250. Les mérites, ils sont là. Et ce sont les trois mosquées dont il est permis de voyager vers ces mosquées-là pour le côté religieux, hein, pour l'adoration. Al-Masjid al-Haram, Al-Masjid al-Nabawi ou Al-Masjid al-Aqsa. En dehors, il n'y a aucune mosquée sacrée. Aucun lieu. Au Sénégal, il y a une ville qui s'appelle Touba. C'est les Mourides qui sont là-bas, les soufis, qui sont dans l'extrême du soufisme. Ils ont des croyances contraires à l'islam. Et ils en ont fait une ville sacrée. Et la mosquée dedans, où ils disent qu'ils ont enterré, ils l'appellent Ahmadou Bamba. Et bien sûr, ils l'invoquent en dehors d'Allah, comme Wal-Iyadu Billah. C'est très grave. Et cette mosquée-là, ils en ont fait un endroit sacré. Jusqu'à même que certains disent que celui qui fait le pèlerinage à Touba, eh ben, il n'est plus obligatoire pour lui le pèlerinage à la Mecque. Ah oui. Et ils y vont, même à pied. De Mauritanie, du Sénégal, du Mali, ils y vont. Pour eux, c'est une adoration. Wal-iyadu billah. Et dans plein d'autres endroits, dans plein d'autres pays. Les mosquées qui ont des tombes, les anciennes mosquées qui ont des tombes. Les Sidi Foulan ou je ne sais quoi. Ils existent. Alors que le prophète, sallam, jusqu'à sa mort, il a mis en garde contre de construire des mosquées sur des tombes. Ou d'introduire une tombe à l'intérieur d'une mosquée. Et les ulama là-dessus, ils expliquent. Les deux cas sont interdits. Il ne faut pas de tombe dans les mosquées. Mais si la mosquée, elle était là avant la tombe, ce qui est demandé, c'est d'enlever la tombe. Le mort, et de l'emmener au cimetière. Et la mosquée, elle reste. Mais si la mosquée, elle a été construite après la tombe, il faut détruire la mosquée. Il faut détruire la mosquée. N'est-ce pas que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ne faites pas de vos maisons des cimetières. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, faites des prières dans vos maisons, faites des nafilas, subhanallah. Comment on peut ramener un mort dans une mosquée qui est le lieu de prière, subhanallah. Et quand certaines femmes, parmi lesquelles il y a la mère des croyants, une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais avant elle a fait la hijra en Abyssinie. Et elles ont raconté à Médine ce qu'elles avaient vu en Abyssinie, hein, des églises dans lesquels il y avait des images dessinées et il y avait aussi les tombeaux. Et le prophète Sassam, il a dit quoi? Ceux-là sont les plus pires et les plus mauvaises des créatures. Lorsque un homme pieux ou un prophète mourait, il dessinait ses dessins, il émettait ses images et il construisait des lieux de culte sur leur tombe. Je vous l'interdis, ne le faites pas. Et le prophète Mohammed sallam n'est pas enterré dans la mosquée. Le bout de terre dans lequel il est, ça ne fait pas partie de la mosquée. C'est sa maison. C'est la maison de son épouse Aïcha radiallahu anha, dans laquelle il vivait. Mais les demeures du prophète sallam, elles étaient collées à la mosquée. Collées à la mosquée. Chaque demeure. Et il avait qu'un rideau qui lui donnait avec lequel il pouvait entrer dans la salle de prière. Mais sa demeure, il vivait dedans, il dormait dedans, il mangeait dedans. Alayhi salatu wa salam, il vivait en couple avec son épouse. Non. Mais ça ne fait pas partie de la mosquée. C'est Beytu Aïcha, radiallahu anha. Et les prophètes ont une règle qui leur est propre. C'est que tout prophète est enterré là où il meurt. Ça, c'est propre aux prophètes. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il est mort dans la demeure de Aïcha, radiallahu anha. Donc, il a été enterré dans la demeure de Aïcha, radiallahu anha. Bien que c'est collé, mais cet endroit-là, bien précis, ne fait pas partie de la mosquée. Ça, c'est des gens qui, soit des gens qui ils ignorent, ou soit des gens qui font exprès pour légitimer les innovations, et si ce n'est pire, dans ce qu'ils font. Donc, la piété, c'est ce qui est pris en considération. Donc, que tu sois noir, blanc, rouge, jaune, que tu parles telle langue, que tu sois de telle région, telle origine, que tu mesures 3 mètres, ou tu mesures 1,10 m, tu pèses 200 kilos, tu pèses 50 kilos, hein? Ce n'est pas le critère pris en considération. Il n'y a pas de racisme en islam. Le monde a un peu ce côté-là. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Un peu le rejet de l'autre. Quand c'est l'extérieur, ben on est unis contre l'extérieur. Et quand on est à l'intérieur, c'est le régionalisme. Et quand on est dans la région, c'est les villes. Et quand on est dans les villes, c'est les quartiers. C'est comme ça. Les humains, ils ont ce côté-là. Et ça se combat. Ça fait partie de l'jahiliya. Ça se combat. Il faut le repousser. Subhanallah. Mais au sein, en notre sein, on l'a. On l'a en nous-mêmes. Des Maghrébins entre eux, il y a. Il y a ou il n'y a pas? Il y a. Des Blancs entre eux, il y a. Les Noirs entre eux, il y a aussi. Bien sûr. Ça existe. Subhanallah. Donc, mais quand on est désigné, montré du doigt, on dit halt, stop au racisme. Mais quand c'est nous qui le commettons, c'est comme si c'était rien n'était. Subhanallah. Yani l'humain, comment il est égoïste. Quand on parle des autres, ce n'est pas un problème. Mais quand c'est lui qui est désigné, là, il y a un problème. Non. Et on ne va pas reprocher aux gens ce que nous-mêmes on fait. Donc, c'est comme par exemple la généralité. On dit des fois à des gens, il ne faut pas généraliser, n'est-ce pas? Mais à la fin, toi, quand tu parles, il t'arrive de généraliser. Donc, comment tu peux dire aux gens de ne pas faire une chose que toi-même tu fais? Il faut faire attention. On est des gens droits. On est des gens justes. Et donc, auprès d'Allah Azzawajal, alhamdoulilah, la porte, elle est grande ouverte. Tu veux être le meilleur? Œuvre. Fais preuve de piété. Fais les bonnes œuvres. Adore ton Seigneur. Sois sincère. Suis le prophète sans convenablement. Plus tu vas agir ainsi, et plus tu vas monter auprès d'Allah Azzawajal. C'est ça. Regardez, à Médine, avant ça s'appelait Yathrib. Il y avait l'Aous ou le Khazraj. Et l'Aous et le Khazraj sont deux frères à la base. Hein, il s'appelle Aous ou il s'appelle Khazraj. De ces deux-là, il y a eu les deux tribus. Les deux tribus arabes de Médine. Et il y avait aussi trois tribus juives qui vivaient avec eux. Banu Nadir, Banu Qaynuqa ou Banu Qurayza. Ça, c'était à l'époque du prophète en Salem. Bon, puis après les Juifs quitteront les lieux et il ne restera plus que les Muhajirin ou l'Ansar. Et l'Ansar, ce sont les habitants de base de Médine, avant qu'ils s'appelaient Yathrib. Ils étaient en guerre, ils avaient des problèmes entre eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, il a réuni entre eux, il a fraternisé entre eux. Wazkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin min an-nar fa'anqadhakum minha kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Donc vous étiez des ennemis en guerre entre vous et Allah il a réuni entre vos cœurs. Rappelez-vous de ce bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala. Eh bien, ils étaient dans le polythéisme. Et les juifs étaient des gens du livre. Donc ils se sentaient meilleurs qu'eux. Et ils leur disaient, là c'est l'époque où va sortir le dernier prophète. Il va mettre de l'ordre, et ainsi de suite. Quand il est sorti le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé, et ils se sont rappelés que les juifs leur disaient ça. Eh bien, la majorité des juifs n'ont pas voulu. Par jalousie, parce qu'il n'est pas issu d'eux, bien qu'ils le reconnaissent, ils l'ont vu, ils l'ont reconnu. Ils ont dit c'est lui qui est décrit dans les livres. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Ceux à qui on a donné le livre, ils le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Subhanallah. Ils le reconnaissent. Et très peu parmi eux, hein, très peu parmi eux, il y a des hommes qui eux, ils savaient que c'était la vérité, que c'était le vrai prophète, et ils l'ont suivi. عليه الصلاة والسلام. Là où je voulais en venir, un exemple. Il y en a beaucoup des exemples, mais un exemple. Un des Ansar, qui était le chef de la tribu, d'une des deux tribus, je pense que c'était Al-Aws, c'est Sa'd ibn Mu'adh, radiallahu anhu. Sa'd ibn Mu'adh, radiallahu anhu. Lorsqu'il est mort, il est mort suite de ses blessures après la bataille de Al-Khandaq. La bataille du fossé. Il a survécu, mais il est mort plus tard de ses blessures. Donc il est considéré comme un des martyrs de l'Khandaq. Quand il est mort, radiallahu anhu, le trône d'Allah a tremblé. Allahu Akbar. Le trône d'Allah a tremblé. Le trône d'Allah, c'est la créature la plus immense et la plus grande qui existe. Il n'y a rien. Le trône d'Allah, c'est le toit de toute la création. Allah nous dit dans le Coran, وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Le kursi, c'est plus vaste, plus grand que les cieux et la terre. Les cieux et la terre. Vous avez vu la grandeur de la terre. Mais qu'est-ce qu'elle est la terre par rapport à l'univers? Tout l'univers, avec tout ce qu'il y a dedans, il est à l'intérieur du premier ciel. Et entre chaque ciel, il y a 500 ans. Et le kursi est plus grand que tous les cieux et la terre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le kursi par rapport à l'arche, c'est une bague, un anneau jeté dans le désert. Un anneau dans le désert. Vous avez vu, c'est quoi? L'immensité du désert et un anneau. L'anneau, c'est le kursi, le désert, c'est l'arche. Pour montrer la grandeur de la création d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Que dire de la grandeur et de la puissance divine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fal'arsh, cette énorme créature qu'Allah a créée, le trône, il a tremblé. Yahtazzal 'arshu li mawt Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu. Alors qu'avant cela, il était polythéiste. Subhanallah. Polythéiste. Mais il rentre dans l'islam. Il devient un grand homme de l'islam. Et regardez, subhanallah, la place qu'il a auprès de son Seigneur. Subhanahu wa ta'ala. Donc, et Al-Hafiz, l'imam Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah, qui a un très bel ouvrage, un grand commentaire de Al-Arba'in al-Nawawiyya, qui s'appelle Jami'u al-Ulum wal-Hikam. Un gros volume d'à peu près 400 pages environ. Et il a expliquer les 42 hadiths de l'imam Nawawi et il en a rajouté 8. Ça fait au final 50 hadiths. Il dit, rahimahullah, ce qui est voulu par cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que l'action, l'œuvre qui va faire atteindre le serviteur les hauts degrés dans l'au-delà, c'est la piété. Et comme Allah l'a dit dans le sens du verset, et chacun d'entre eux auront des degrés selon ce qu'ils ont œuvré, selon les œuvres accomplies, selon les œuvres qu'ils ont accomplies. Donc celui qui n'avait pas les œuvres pour pouvoir entrer au paradis, donc il a été retardé par les œuvres d'entrer au paradis. Alors celui-là, ce n'est pas sa lignée qui viendra s'empresser pour le faire entrer au paradis. Elle ne pourra rien faire, sa lignée. Sa lignée ne pourra lui être d'aucune utilité. Donc l'être « je suis le fils d'un tel », c'est bien, mais c'est ton père, c'est ton ancêtre, et t'es quelqu'un de droit, alors fais comme lui toi aussi. Sois droit. Subhanallah. Pourquoi tu le cites? Si tu le cites parce qu'il était bien, sois-le. Mais de dire, c'est bon, je suis le fils d'un tel, ah, c'est le fils d'un tel, en pensant que ça va te sauver. Ah non. Nuh alayhi salam, le deuxième père de l'humanité. Le deuxième père de l'humanité. C'est qui? C'est Nuh alayhi salam. Le premier, c'est Adam alayhi salam. Parce que après le déluge, ça y est, tout ce qu'il y avait sur terre est anéanti, sauf ce qu'il y avait dans l'arche. Tous les animaux et les quelques humains. Et la descendance, il est dit que la descendance qui restait, c'est la descendance de Noé. On est tous les enfants de Noé. Alayhi salam. Wa ja'alna dhurriyyatahu humul baqin. C'est eux qui sont restés, sa descendance. Alayhi salam. Son propre fils. Il a voulu monter dans la montagne pour être sauvé du déluge. Et il a été noyé avec ceux qui ont été noyés. Et c'est son propre fils. Donc, si son fils ne suit pas le bon chemin, il ne peut rien faire pour lui. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interpellé ses oncles et ses tantes, un par un. Oh, un tel oncle du prophète, oh, une telle tante du prophète. Et puis il dit, Ya Fatima, bint Muhammadin, oh Fatima, fille de Muhammad. La ughni anki min Allah shay'a. Je ne pourrai rien pour toi auprès d'Allah. Si c'est de l'argent que tu as besoin, tu peux me demander. Un bien mondain que j'ai, je peux te donner. Mais sinon, à part ça, je ne pourrai rien pour toi, Yom al-Qiyamah. Si tu ne suis pas le chemin, je ne pourrai rien pour toi, Yom al-Qiyamah. Car Allah, tabaraka wa ta'ala, a pris comme considération pour la rétribution les œuvres et non pas les lignées des gens. Comme Allah a dit dans le Coran, dans le sens du verset, et lorsque on va souffler sur le corps, c'est un instrument dont l'ange Israfil alayhi salam va souffler pour la fin du monde. Et lorsqu'on va souffler sur le corps, alors là, il n'y a plus de lignée, de lien de parenté entre eux. C'est fini. C'est fini. Et ils ne se poseront aucune question. Puis, l'imam Ibn Rajab, il dit, et dans ce sens, il y a ces vers de poésie qui ont été cités. L'homme, en réalité, il naît. Il n'a de valeur que par sa religion. Ne délaisse pas la piété, te remettant seulement, te suffisant seulement à ta lignée, à la famille d'où tu viens. Certes, l'islam a élevé Salman, le Perse, et a rabaissé, à cause du polythéisme, celui qui était d'une bonne lignée, d'une bonne famille, Abu Lahab. C'est l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il est de la même famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est son oncle, subhanallah. Mais il a préféré rester dans le shirk et combattre l'islam. Il a été rabaissé. Thaminan, huitièmement, c'est la dernière partie. Mimma yustafadu min al-hadith. Les leçons qu'on tire du hadith. Awalan, premièrement, at-targhib fi tanfis al-kurab fi ad-dunya wa anna Allah ta'ala ينفس بها كرب يوم القيامة. Donc il y a l'encouragement donné aux gens pour qu'ils soulagent les autres personnes touchées par les difficultés de ce bas monde. Et de ce fait, Allah tabaraka wa ta'ala les soulagera des difficultés dans l'au-delà. Thaniyan, أن الجزاء من جنس العمل فالعمل تنفيس كربة والجزاء تنفيس كربة. Deuxièmement, que la rétribution, elle est de la même nature. Comme tu fais, on te fait. L'action, c'est de soulager d'une difficulté et la rétribution, c'est d'être soulagé de difficulté. ثالثا الترغيب في التيسير على المعسرين وأن الجزاء عليه تيسيرون في الدنيا والآخرة. Troisièmement, il y a un encouragement fait pour faciliter à ceux qui sont surendettés, ceux qui ont du mal à s'en sortir et à rembourser leurs dettes. Et la rétribution de cette action, c'est qu'il sera facilité à cette personne dans ce bas monde et dans l'au-delà. Rabi'an, at-targhib fi sitri al-uyub hina takunu al-maslahatu fi sitriha. Quatrièmement, l'encouragement de cacher les défauts et les fautes, les erreurs d'autrui, lorsque il y a l'intérêt en cela. Et la rétribution, c'est qu'on te cachera tes défauts, tes erreurs, tes fautes dans ce bas monde et dans l'au-delà. Khamisan, al-hathu ala i'anati al-muslim akhahu al-muslim. وأنه كلما حصل منه العون لإخوانه فإنه يحصل بذلك عون الله وتسديده. Cinquièmement, l'encouragement d'aider son prochain, d'aider son frère en islam. Le musulman, il aide le musulman. Et à chaque fois que tu viendras à l'aider, tu vas gagner par là l'aide d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et Allah te facilitera dans tes affaires. Sadisan, bayanu fadli. Sixièmement, il est démontré les mérites et les bienfaits et la vertu de la quête de la science religieuse, de l'étude religieuse. Sabi'an, fadlu al-ijtima'i fil masajid li tilawati al-Qur'an wa tadarusihi. Septièmement, le mérite, les vertus de se réunir dans les mosquées pour la lecture, la récitation du Qur'an et son étude. Thaminan, أن الإيمان والعمل الصالح سبب دخول الجنة وبلوغ الدرجات العالية عند الله عز وجل. Huitièmement, la foi et les bonnes œuvres sont les causes d'entrer dans le paradis et les causes pour atteindre les hauts degrés auprès d'Allah عز وجل. تاسعاً, أن شرف النسب بدون عمل صالح لا يفيد صاحبه عند الله. Neuvièmement, la bonne lignée, la noblesse de la personne, sans qu'il ait accompli des bonnes œuvres, ne lui sera d'aucun bénéfice, d'aucune utilité auprès d'Allah. Tabaraka wa ta'ala, wallahu a'la wa a'lam, wa subhanaka allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين